14. La surprise du Père Noël. Après quelques jours merveilleux dans le village du Père Noël, il est temps pour nos amis de rentrer à la maison. Nous sommes la nuit du réveillon de Noël. Tous les enfants sont partis se coucher. Alors, regardez bien là-haut, au-dessus des toits des chalets du village du Père Noël, cet immense traîneau tiré par 9 rennes magnifiques. Chut, écoutez, c'est le Père Noël. Le Père Noël. Allez, tornade, danseuse, furie, fringant, comète, cupidon, tonnerre, éclair. Allez, Rudolf, c'est la belle nuit de Noël. Au travail! Et le traîneau s'envole à travers les étoiles. Mais avez-vous remarqué, dans ce traîneau, il me semble voir des têtes que nous connaissons bien. Oui, oui, vous avez bien compris. Il s'agit de Flagadelle et Trompette. Et au milieu de tous les cadeaux, un drôle de petit ver de terre tout vert et rigolo. Picaouette, évidemment. La voilà, la fameuse surprise du Père Noël. Je les entends chanter d'ici à tue-tête en riant aux éclats de joie et de bonheur. Pas vous ? Tous. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. L'histoire est finie.